d'être unis, dur d'aimer, dur de donner. Dur de s'aimer dans ma zone, dans mon zoo, affamé jusqu'aux os, on s'est détruit. Comme des zombies cannibales, détresse animale, et mes frères tombés sous les rafales. C'est l'ivresse pour oublier les châtiments. Écoute, pour s'en sortir, faut être uni. Même traqué par les tuniques, soldat, fidèle, fais-toi un gars unique. J'suis pas dans le sentiment dur, j'suis un gars pudique. Suffit d'un rien pour se séparer. Si proche l'amour et la haine sont aussi pareils, à ce qui paraît, j'serai jamais trahi par les miens. Tous unis jusqu'à ce que la mort nous sépare. On se perd pas face au pire inséparable. Tous unis dans les mêmes blocs, à la vie, à la mort. Noté jusqu'à la muerte. Tous unis jusqu'à ce que l'éternel nous rappelle. Dans la paix ou dans la peine. Tous unis dans les mêmes blocs. Rap ça, blanc et black, poser les glocks. C'est dur d'être bon. Dans l'instant d'avoir un bon fond, éviter de se bouffer, de se pourrir la vie. J'ai l'envie d'aller de l'avant, sans traire mes gars, faisant des aveux. La réussite et le bis fait des envieux. La haine dans les yeux, trop de douleurs et de lésions. Jeter l'œil à quoi ça sert. Faut qu'on s'en sorte, rester tendu, éviter le deuil. Inch'Allah, détruit par la jalousie, les douilles, trop de cercueils. Je retranscris ma tristesse sur une feuille. Sans faille et ma clique inséparable. Jusqu'à ce que la mort nous sépare, on se perd pas face au pire inséparable. Tous unis dans les mêmes blocs, à la vie, à la mort. Noté jusqu'à la muerte. Tous unis jusqu'à ce que l'éternel nous rappelle. Dans la paix ou dans la peine. Tous unis dans les mêmes blocs. Rap ça, blanc et black, déposer les glocks. J'ai vu des potes arriver aux armes. Unis à jamais, séparés par une femme. Des hommes sous des draps blancs, séparés par l'argent. Froid comme la glace, sommeil léthargique. Que le ciel nous préserve avec notre amitié dure. J'essaye d'être bon et je remets mon âme à Dieu. Simple mortel, j'ai besoin d'être guidé. Mes amis, c'est comme mes yeux, mes sens. Unis comme l'écorce et la sève. Dans le rire, dans les larmes, dans le savon et la salve. Réunis, inséparables, liés comme au bagne. Je prie pour que l'amour adoucisse la hargne. Tous unis jusqu'à ce que la mort nous sépare. On se perd pas face au pire inséparable. Tous unis dans les mêmes blocs. À la vie, à la mort. Noté jusqu'à la muerte. Jusqu'à ce que l'éternel nous rappelle. Dans la paix ou dans la peine. Tous unis dans les mêmes blocs. Rap ça, blanc et black. Déposer les glocks sans yé. Latino, cappuccino, TSU, TONE. Et la hyène. Jusqu'à ce que la mort nous sépare, on se perd pas face au pire inséparable. Tous unis dans les mêmes blocs, à la vie, à la mort. Noté jusqu'à la muerte. Tous unis jusqu'à ce que l'éternel nous rappelle. Dans la paix ou dans la peine. Tous unis dans les mêmes blocs. Rap ça, blanc et black.